J'ai plus envie d'avoir l'air triste ni perdu, de ressembler à un mec qui marche au radar, de ne presque jamais me promener dans les rues, plus envie de me laisser guider par le hasard. J'ai plus envie d'attendre que mon heure arrive, de rester là comme un paumé, les bras croisés, n'attendre que le bonheur veuille bien changer de rive pour venir s'asseoir tranquillement à mes côtés. Je sais que tout ça est possible, j'ai même fait pas mal de chemin. Il ne tient qu'à moi que ça arrive, aujourd'hui, peut-être demain. J'ai plus envie de regarder par la fenêtre, le temps qu'il fait en me disant qu'il va changer, de ne voir de ma vie que le côté austère, de m'enfermer dans mes délires et mes pensées. J'ai plus envie d'attendre bêtement qu'il m'arrive un bonheur neuf que j'espère sans vraiment chercher, de continuer à supporter que l'on me prive du droit de vivre une existence moins compliquée. Je sais que tout ça est possible, j'ai même fait pas mal de chemin. Il ne tient qu'à moi que ça arrive, aujourd'hui, peut-être demain. J'ai envie de mordre la vie à pleines dents, de montrer que je suis loin de devenir sénile, de partager ce qui me fait aller de l'avant, de mettre à l'eau un radeau pour quitter mon île. J'ai envie de changer ma vie, mon existence, de vivre d'autres jours plus forts, plus passionnés, de ne plus jamais laisser passer la moindre chance, le plus petit soupçon d'amour ou d'amitié. Je sais que tout ça est possible, j'ai même fait pas mal de chemin. Il ne tient qu'à moi que ça arrive, aujourd'hui, peut-être demain. J'ai envie d'avoir des copains plein mes valises, accueilli partout où je voudrais aller, de sentir bon la vie juste pour que l'on dise un peu de bien sur moi et qu'on veuille m'aimer. J'ai envie autour de moi de donner de la joie, d'apporter un peu de bonheur, d'envie de vivre, d'être présent pour qui aura besoin de moi, d'avoir un chemin lumineux que j'aime suivre. Je sais que tout ça est possible, j'ai même fait pas mal de chemin. Il ne tient qu'à moi que ça arrive, aujourd'hui, peut-être demain. J'ai plus envie d'avoir l'air triste ni perdu, de ressembler à un mec qui marche au radar, de ne presque jamais me promener dans les rues, plus envie de me laisser guider par le hasard, plus envie de me laisser guider par le hasard.